à 10 000 balles, on fait un son, tu partages tout ça. Non. 10 000 balles ? 10 000 ? Non, non. À combien tu fais ? Même me donne 5 000, j'ai dit non. Ok. Oh, t'es fou, toi, mon pote. C'est un monstre. Pour 10 000 ? Non, je rigole, ouais. Bon, c'est qui maintenant? Je sais pas, moi, je connais pas des flingues. On aura le fin mot de cette histoire. Bon, pendant qu'on parle de... Putain, pendant qu'on il est pas de... là, Kenzo. Il plus... voilà. Kenzo lui, c'est Kenzo le plus flingué? Non, mais lui... Ah, attention. Pendant qu'on parle de... Non, pendant qu'on parlait d'argent. Là, on parle d'argent. Moi, je sais que Sazori... Donc c'est, si je comprends bien, c'est pas Derek, c'est Sazori qui est déclaré à la SACEM. Ouais, ouais. Est-ce que ça marche pour toi? De ouf. Vous voyez pas, tous les jours, il mange dehors ou quoi? Attends, est-ce que tu peux me redire ton âge? 19 ans. Ok. Donc le gars, il a 19 ans, il fait des instruits, il est déclaré à la SACEM. Est-ce que... Qui est déclaré à la SACEM ici, autour de la table? On The est là, Bee. Hein. Tu connais The Bee? The Bee la mouche. Oh, là. Ouais, parce qu'il y a Rizzo, il y a Nas Pacino, il y a Edinho, Théo 2S, il y a Junes, même s'il a raccroché les micros. Moi, je suis comme voilà. Rocky, tu vois. Comme Rocky, prêt pour un dernier combat. Ah, même pas. Okay. Même pas les droits, mais grave. Ok, donc là, SACEM, ça marche. Donc ça veut dire qu'au niveau de tes instrus et de qui se sert de tes instrus, tu pourrais vivre que comme ça? Ouais. Ok. Et il y a qui pose sur tes instrus? Ben, des artistes de Paris. T'as des blazes comme ça? Ben, Kobaladé, la CG6, Bosch, Brosson Gang et Yavla, les gens, voilà. Ok. Voilà. Excuse-nous, pardon. Voilà. Non, mais demain, on va se lever, on va au taf. Mais tu sais que, en fait, ce qui s'est passé, quand il a signé pour la SACEM, il y a eu la grosse voix avec arrivée. C'est ça, grave. Directement. Ouais. C'est là que je signe. Ouais, j'ai signé. C'est bon, on y est, les gars. On y est. Ok, mais j'attends pas. Attends, j'ai. Ouais. Et Digno, est-ce que tu veux dire? Moi, vous êtes tous en train de rigoler là, mais moi je vous le dis concrètement, Sazori, c'est le premier de Besançon qui s'est approché des grosses têtes de Paname. C'est vrai. Donc à collaborer avec elle, et c'est celui qui est le plus proche du but. Ouais, et je le pense sincèrement. De tout péter. Bah oui. C'est lui? Effectivement. Voilà, c'est lui. Effectivement. Pour cet acte, t'as gagné un menu chez Snack. Oui. Je dis pas non alors. On s'arrange après. Juste, je suis encore sur les côtes de Lady. Putain, vas-y, moi je vais me barrer, moi. Dernière question, en scred. Putain, ça c'est toi, tu parles avec lui. Même pas. Parce que je parle avec lui. Bon, il pense qu'il y a des complots. Pourquoi t'aimes bien faire des freestyles devant ton lit superposé? Albatra. Ah ouais, bah parce qu'en fait. Pourquoi tu fais ça tout le temps? Parce que t'as capté ma chambre, c'est dedans où je m'inspire. Ah ouais. Son lit bleu, la bleu ciel, bleu noir. Et lui, il a tout analysé. Tu sais qu'à partir de maintenant, mais comment tu peux faire attention. T'es obligé de faire attention à tout ce que tu fais. Parce que là, quand t'as c'est quoi son Insta? Je me suis bloqué. J'ai pas. Là, il t'a déjà bloqué, tu vois, il a juste analysé, bloqué. J'ai pas Insta. Tu veux pas le retrouver. Bon, les gars, vu que vous êtes un binôme, vu que vous êtes un groupe, est-ce que, Derek, tu peux me citer une punchline de LG et vice-versa? Le moment de la discorde. Ah. Ouais. Ah ouais, c'est chaud, ma gueule. Ça va se péter. Voilà. Ouais, gros, j'ai pas le temps, t'as vu? Je suis à la SACEM, frère. J'écoute pas ses sons. Je sais pas, juste une phase, tu vois, tu me sors une. Non, voilà, parce que même moi, je connais même pas mes propres punchlines. Non, mais en vrai, chaud. Je sais pas, oui. T'en as pas une là, même une phrase, hein? Même une phrase. Yo, un jour, il a dit yo. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? N'essaye pas de chercher dans ta tête. Qu'est-ce que tu fais? Les gens, ils essayent de nous avoir, tu vois. Et toi? Je suis en train de réfléchir là en fait. Ah, vous êtes chelou. Bon, faut savoir que le groupe il est ensemble. Vous êtes ensemble depuis quand officiellement en fait? Officiellement, vraiment, vous vous êtes mis ensemble? Ça fait pas longtemps en vrai. C'est quoi, 5 mois, 10 mois, 2 mois, 1 mois? Non, ça fait 7 mois qu'il rappe lui déjà. Ouais, donc chronologiquement, ça doit être quoi? Non, je sais pas, ça doit faire 3 semaines. 10 mois, semaines. 10 mois, un truc comme ça. Ok, vas-y. Donc pas de punchline, hein? Ouais. Oh là là, les gars, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Attends, moi, je peux passer une punchline de Lady Ace? Bah oui. Je peux passer une punchline? Elle dit, ouais. Vas-y, elle dit. On écoute ta punchline ou quoi? Vas-y, envoie. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Ok. Ah. Bon, ben sur ce, moi, ce que je vais faire, je vais passer le. Je vais passer le son. Attends, Chao, j'ai reçu. Comme d'hab. J'ai Comment pas éteint mon téléphone, je reçois des appels cagoulés. Wow, ça recommence. Putain, en fait, lui, à chaque fois, il vient, il éteint pas son téléphone. Enfin, c'est mon pote Lantier, celui que t'as dit que tu vas montrer la plaque. Là. Ah merde. Des gens veulent ma peau, je reçois des appels cagoulés. Je vais devoir répondre. Vas-y, en général, c'est des questions. C'est des gens qui posent des questions par rapport à vous. C'est toi. J'ai écouté un peu vos sons. Tous vos sons, c'est des sons à un seul couplet en fait. Vous avez pas d'inspi. Donc la question c'était. C'était quoi vos Attends, sons... je crois qu'il a dit. J'ai écouté un peu le son. Dans tous vos sons, c'est des sons à un seul couplet. Vous avez plus d'inspi ou quoi? Je sais pas. Il a même rajouté vous écrivez vos couplets sur des post-it. Ah, oh putain! C'est quoi le délire? Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, c'est pas de notre faute, c'est l'instru qu'on choisit, elle est pas assez longue. Ah, mais ouais, on peut couper, rallonger le bail. On sait faire ça. Ouais. Non, mais en vrai, c'est des petites démos. Les sons qui arrivent là. Vous êtes des rappeurs démos. Les nouveaux rappeurs démos. Vas-y. Bon, c'est bon, t'as fini avec tes Non, j'ai encore un appel. Attends, excuse. Je reçois encore un appel. Putain. Les appels cagoulés. Hein. Laisse faire foutre, lui, celui qui a dit ça. J'ai une question pour Lady Ace, là. ton blaze, là, si on dit un peu rapidement, ça fait le DAS. Comme le SIDA. C'est fait exprès ou quoi? Je répète. Le DAS. Il a une question pour Lady Ace. Ton blaze, si tu le dis un peu rapidement, ça fait le DAS comme le SIDA. T'as fait exprès. Oh, là, faut lui répondre vite. Hein. Oh là là. Ah, il veut le défaire, wesh. Ah, c'est trop. Non, moi, perso, ça m'atteint pas. Ça t'atteint pas? Non, mais t'as fait exprès ou quoi? Non, même pas. Okay. Bah, non, mais il l'a expliqué en plus. Il a expliqué. Je reçois des appels cagoulés pour répondre aux questions. Ouais, non. Vas-y. C'est bon, j'éteins mon téléphone, je suis hors ligne. Bon, moi je vais repasser un peu dans le mode musique. Du coup, je vais passer votre morceau LJDRK QPLM. Alors, c'est quoi QPLM? Que des lettres. Que pour la MIF. Que pour la MIF. C'est QLF, mais vas-y, tu vois. C'est ok, donc on est toujours dans la 25e émission spéciale LJDRK. On va passer le son QPLM. Et après ce son, si vous êtes chaud, on enchaîne directement le freestyle. Bien sûr. Après, si vous voulez qu'on le repasse deux fois, on peut le repasser deux fois, y'a pas de souci. Ok, émission spéciale, LJDRK, la 25e, 22h minuit. Fou, toi. On est toujours là. T'as mal. Viens pour ma mère, tu verras des gouttes couler des yeux. Mon objectif dès le début, c'est de les rendre heureux. Raconte pas tes problèmes, j'ai pas ton prof de maths. Et y'a que notre réussite qui leur feront du mal. Et comme dans le sang, ego, on y voit que du sang. Le chemin pas long, donc fais tout pour être à temps. quand je me suis mis à rapper, bah c'est pour les sommes et pour le succès. Le succès. Tout puissant me donne cette chance, maman fait le tour du monde. L'instrument à fond dans le sud, mon aspi est hâle, alors faut que je pose. La malade toute la soirée, et quand y'a plus air, il rentre chez sa mère. Au lieu d'acheter des bouteilles, à mettre ta daronne au bord de la mer. Et j'espère qu'à ton barré de cette putain de vie de merde. Au regardé, y'a pas de congé, les dimanches t'es grand sur un train de bosser. Elle m'appelle, elle fait que de marceler. Mais l'argent m'a peu, je te rappelle après. Les bécanes, bordel, toute l'année, à la cité, à la cité. C'est pas mon nom de point, les bleus, PPD. Respirez-vous, et les jaloux allez tous vous faire foutre. En bas de ma tour, j'apprenais à lever. Ceux qui m'ont mise, la roue va tourner. Comme la sœur dans les immeubles d'à côté. Suis pas le mouvement, tes côtes vont se briser. Pousse vite dans la poche en cas de bourbier. Et si ça approche, je vais pas hésiter. Viens pour ma mère, tu verras des gouttes couler des yeux. Mon objectif dès le début, c'est de les rendre heureux. Raconte pas tes problèmes, je bois ton prof de maths. Et y'a que notre réussite qui leur feront du mal. Et comme dans 300 ego, on y vote puissant. Sur la lâche, fais des caresses. Y'a des mythos, donc faut les taire. Et si c'est pas trop, on fait le bénéf. Et pour toi, il faut que tu fasses la div. Du pas béton pour finir en cave. Un comani, crois-moi, Tony. Faut faire des fous et v'là les liens. Dans le flow, là, j'ai pas le temps. Le temps se coule, ouais, en deux temps. On m'a dit que t'es un gros marrant. Mais là, tu vois, y'a plus trop le temps. À ce qui paraît, ça a tiré. Et gars, tu vas te faire trouer. Le flow va te manipuler. À la million, ils sont ratés. La vie, c'est tu fais ton cash. Quand y'a les cops, faut que tu tailles. C'est un état. La tâche graille sur ton plat. Et non, c'est ça, je vais pas me coucher. Dans l'été, jamais faire ça. Quand t'as plus, voilà, je dois quitter. S'il y a du bif, je dois faire du sale. Et là, je suis beau. J'y pense, je dois faire du CEO. Si t'as fait la mala, c'est sûr, t'auras des blèmes pro. Et là, je suis beau. J'y pense, je dois faire du CEO. Si t'as fait la mala, c'est sûr, t'auras des blèmes pro. Y'a pour ma mère, tu verras des gouttes couler des yeux. Mon objectif dès le début, c'est de les rendre heureux. Problème, j'suis pas ton prof de maths. Et y'a pas de réussite qui leur feront du mal. Et comme dans 300 ego, on y voit du sang. Le chemin sera long, on fait tout pour être à temps. Et comme dans 300 ego, on y voit du sang. Le chemin sera long, donc nous donne un long. Ya ya ya. Banks. On est parti dans la session freestyle, la 25e. On est là avec LG, DRK. Ça va pull up, ça va pull up. Yeah. Attendez, les gens s'installent, les gens s'installent. Tranquillement, tranquillement. Je vais pull up. Oh. LG, DRK, faites attention autour de vous, les gars. La 25e tous les jeudis, session freestyle. Hey. Et je vois mes cheveux remplis de ma pessa. Couleur codée, je sais pas si tu vois mon gars. Puis j'y pense, gros, je crois qu'on est bon qu'à ça. On est bon qu'à ça, bon qu'à faire du le ça. Et poton ne fait que charbonner. Charbonner gros pour récolter. Et le but, gros, c'est de mailler, ouais, mailler, mailler. Et puis tout manger. Et je suis qu'à 1% de mes capacités. Gros, la roue est bon, tu peux. Ok. Y'a moins de pull up. On pull up, mon pote, t'inquiète. T'inquiète pas, c'est leur première radio, les gars, faut les laisser tranquillement. Ça arrive, t'inquiète pas. Oh, casse les couilles. Ah merde. On est reparti. Et je vois mes cheveux remplis de ma pessa. Couleur codée, je sais pas si tu vois mon gars. Puis j'y pense, gros, je crois qu'on est bon qu'à ça. On est bon qu'à ça, bon qu'à faire du le ça. Et poton ne fait que charbonner. Charbonner, gros, pour récolter. Et le but, gros, c'est de mailler, ouais, mailler, mailler. Et puis tout manger. Et je suis qu'à 1% de mes capacités. Gros, la roue est le ton, tu peux pas nier. Et... Putain! The Banks. fais quoi? Je pull up. Je crois que ça me casse les couilles. Il va terminer ça. T'as dit quoi? Pas. Ouais. Ouais. Derek. Check. Eh. Eh. Banks. Banks. Eh. Eh. Et je vais voir mes cheveux pour remplir de ma pizza. Couleur codée, je sais pas si tu vois mon gars. Puis j'ai pensé gauche, je crois qu'on est bon qu'à ça. On est bon qu'à ça, bon qu'à faire du le ça. Et poto ne fait que charbonner. Charbonner gros pour récolter. Et le but go c'est de mailler, ouais, mailler et puis tout manger. J'ai qu'à 1% de mes capacités. Gros la roue est le temps, tu peux pas nier. Faut que tu m'envoies mes puces de mon gobelet. Quand on l'aspi gros, non, je peux plus m'arrêter. Non, je peux plus m'arrêter. Et dis-leur qu'on a faut illimité. Ouais, illimité. Et la contrôle a fait que. Gros, y'a pas de secret, y'a que le travail qui paie. Ouais, toute l'année, on est matrixé à faire du cash, ouais. Gros, y'a pas de secret et y'a que le travail qui paie. Ouais, toute l'année, on est matrixé à faire du cash, ouais. LJDRK, ouais c'est LJDRK. T'as capté le geste, t'as capté le bail, c'est LJDRK. LJDRK, c'est LJDRK. T'as capté le geste, t'as capté le bail, c'est LJDRK. Ouais. Eh. Banks. La 25ème. Bang, bang, bang, bang. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh, dans le labo, ça cook fort. Ouh. Pourtant, on n'est pas des laborantes. Hein. Mes journées au studio, je fais de la douceur ou de la terreur. Ouh. Plus bresson que tes cauchemars. Traîner en bas, on en a marre. Yeah. Nous, tout ce que l'on veut, c'est de péter le salaire à Neymar. Bye bye. Bang, bang, bang, des rafales dans ta gueule. Ici, y a pas de rancœur. Je suis pas d'humeur, je pense que tu l'as remarqué. La prod est énervée. Assise du mat, c'est mon tel qui me réveille. Et non pas les sirènes. J'ai trop la haine, serre-moi un verre de lin et pas de la cristalline. Les frérots derrière moi, ils sont corda, on est tous accordés. Ouais, le son, c'est de la D. Pour t'as capté cette année. Faut péter, les bécanes enragées sur le bitume, la bavette est frottée. Ici c'est 25-0-0-0, on va tous vous mêler. Arrogant comme Zoro ou Vegeta, on veut v'là les billets couleur végétale. Je me donne à fond pour un putain de rêve, les vrais partages et les fous sucent après. Arrogant comme Zoro ou Vegeta, on veut v'là les billets couleur végétale. Je me donne à fond pour un putain de rêve, les vrais partages et les fous sucent après. LJDRK, c'est LJDRK. T'as capté le geste, t'as capté le bail, c'est LJDRK. LJDRK, c'est LJDRK. T'as capté le geste, t'as capté le blast, c'est LJDRK. RK Bang. T'as capté ou pas? Bang. Des applaudissements. Est-ce que tu veux pull up ou est-ce que vous êtes rassasié? C'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez. Est-ce qu'on pull up, est-ce qu'on pull up pas? C'est votre émission les gars, c'est vous qui faites comme vous voulez. Vous en avez assez? Il t'écoute. Attends. Si je vous mets une prod. Faut qu'elle me parle. On va switcher. Je sais pas ce que c'est. On va voir. Non, ça ira pas. Et si je vous mets ça, par exemple? Si je vous mets du Sazori, par exemple, est-ce que vous allez kicker? Hey, hey. Babanks! Hey! La 25ème! Hey! Hey! Briller, chiffrer, mettre bien la mime, c'est les seules choses qui m'ont incité à rapper. Big rap, bedap, voilà ma armée. Non, tout ça j'ai pas fait, je vais pas me la raconter. A tout stop, y'en a marre de les écouter. Prêt avant leur daronne pour des billets. Ces mecs, c'est des acteurs qu'ils aillent faire du ciné ou de la télé-réalité. Ça vient de 5, triple 0. Ils sont pas prêts, ils seront KO. Numéro 5, bloqué sur le maillot. M-A-R-L-Y, ça vient de Bordeaux. J'ai pas le temps de les écouter. Je passe ma route seule, je compte sur personne. C'est quand t'arriveras à la ligne d'arrivée que certains viendront t'appeler mon sang. J'suis dans ma le but et la concu, je me torche le cul avec. Taracli veut coopérer depuis qu'elle m'a vu sur le net. J'suis dans ma le but et la concu, je me torche le cul avec. Taracli veut coopérer depuis qu'elle m'a vu sur le net. Fiche. Thanks. LJDRK. L'émission spéciale, t'inquiète pas. Direct, t'as un petit truc ou? Eh. Et nous on a bossé, fais pas le mec qui est chaud. Toi t'es bon quand j'active, je trouve ça très chaud. Eh, t'es qu'un gros mytho, m'appelle pas mon frérot. Si tu parles sur mon dos, nous on a la dalle. Et toi ça dit quoi? Perso ça bouge pas, on gère nos fers. T'as ta place, je suis aussi dans tête ça. Ils sont forcés, Igo, nous on y arrivera. Et Igo, moi je peux rap pour les choquer. Je fais ça en despi, même tes gars bouge la 2T. Hey. Sur la prod, donnée OP, gros, vas-y doucement. Sur le wesh, tu vas béton. Hey, hey, hey, hey. T'es ma comment gère, gros, faut la technique. Faut des stratégies, faut serrer des yebis. Non, pas hey. Comme eux, nous on vient faire hey. La diff. Et ta copine hey. Qui hey. En a plus hey. De style. Hey. Me rappelle à l'ancienne, elle s'écartait. Hey. Désolé, je cours qu'après la monnaie, même quand y'a bourbier, Igo, moi je suis OP. Et nous on est OP pour t'effacer. Sur le tempo, t'es grave nul abusé. Et faudra pas nous sucer, ouais après. Ouais après qu'on aura pas du succès, hey. Eh, hey. LJDRK Banks. LJDRK Banks. Bang, bang, bang, bang. La 25ème. C'est bon quoi, les gars, vous êtes rassasiés? Ça vous va comme ça? On met une autre instru pour moi. Allez, je re-switch sur l'autre. Hey, hey, hey. Un petit freestyle, ouais c'est Reka hey. Sur la route du succès, je fais des grands pas hey. Et comme papa me l'avait dit, hey. Smith fait des amis, certains m'envient hey. C'est elle, dit trop d'amour pour la musique, y'a ça que je kiffe hey. Hey. J'ai trop d'inspi que je pourrais sortir des albums gratuits bang, bang, mais bref, bang. Pas de bénévolat chez nous, faut du bip, bosser chaque jour. Ouh. Et ouais c'est tous les jours la même, dans la salle du temps, c'est dedans qu'on opère. Mon Akenzo, c'est pas un coiffeur mais c'est faire de l'afro. Et à sa souris alias des FF, producteur, rappeur, le poteau et full option. J'ai écrit mon texte dans un TER en 54 minutes, j'ai gratté hey. Sa mère hey. Pour un freestyle de 2 minutes, je fais ça correctement, pas à la hey. Hey. Et gère sur tout type d'instru, la compte jusqu'à la pas normale, ils sont trop nuls. Moi et mon équipe, on remporte tout, hey. Zéro défaite et pas de match nul. Hey. T'as beau tir guette mon ascension, mais la moitié te portera l'œil. Hey. Ou la moitié feront les aveugles, mais seront guéris quand t'auras le buzz. Je veux briller comme une étoile, fracasser des guitares comme une rockstar. Pour l'instant, je suis dans ma bulle, mais j'ai la rage, la date comme un pitbull. LJ DRK. Bye bye bye. T'as capté le geste, t'as capté le blast, c'est LJ et DRK. LJ DRK. T'as capté le geste, t'as capté le bail. Hey, hey, hey. T'as capté le geste, t'as capté le bail. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, hey. Bien sûr. T'as capté le geste, t'as capté le bail. Hey, hey, hey, hey, hey. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'as capté le geste, t'as capté le bail. Cette année, poteau, on vient tout graille. On vient tout graille, hey. On vient tout graille. Débit des flots et ton engros, t'es pas prêt. Avec Enzo, on fait du sale, c'est clair. Hey, hey, hey, hey. T'es rappeur gros, on va tous les choquer. Hey. Wesh, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. On laisse. Voilà, piti, piti, piti. Yes. On était dans la session freestyle, la 25ème, 22h minuit. C'était l'émission spéciale LJDRK. Merci les frérots. Merci aux potos qui vous ont accompagnés. C'était votre première session radio. Donc je tiens à le préciser. Big up pour vos projets. N'hésitez pas à revenir dès que vous avez des trucs frais. Nous, on sera toujours là. La porte, elle est ouverte à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Les auditeurs qui nous écoutent un peu partout dans les caisses, dehors, sous les ponts, à New York, Londres. Surtout, n'hésitez pas, montez le son, ça arrive. Là, il y a Rizzo qui est derrière la chronique à Jojo. Tu voulais dire quelque chose, Jounes? La chronique à Jojo qui arrive. Donc là, on switch, on prend quelques photos avec l'équipe et on revient pour la chronique à Jojo. Allez. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des mettre le son de Théo 2S avec nous les gars. Si tu donnes le temps, donné ta parole, ben faudra la tenir. Nous on ne joue pas un rôle, je viendrai comme je suis. Moi ce que je dis, je l'ai fait, vise la tour Eiffel. Pas besoin de courte échelle, selon atteint le sommet. Tu donnes ta parole, ben faudra la tenir. Nous on ne joue pas un rôle, je viendrai comme je suis. Moi ce que je dis, je l'ai fait, vise la tour Eiffel. Pas besoin de courte échelle, selon atteint le sommet. Somos faut dire pour qu'il est vide. Je vois des gens de mamie prendre des rides. Vite, vite, point, vif, déterminé, j'ai la grinta. T'inquiète d'amis qui sont bizarres. Jamais rêvé d'être artiste. Les plus gros êtres sont ceux qui semblent le savoir-faire rare, c'est ceux qui nous séparent. Chaud depuis le départ, merde. Disait le but sur corner. Je gratte en moins d'un quart d'heure. Tu fais plus de vues, mais pas mieux. Tu peux juger, mais pas te réfugier. Le studio à la main se transforme en QG. On est rusé et pas prêt de sucer. Le suppos, c'est le tête, tu sais déjà où le mettre. Si tu donnes ta parole, ben faudra la tenir. Nous, on ne joue pas un rôle. Je viendrai comme je suis. Moi, ce que je dis, je l'ai fait. Vise la tour Eiffel. Pas besoin de courte échelle. Selon à tel sommet. Tu donnes ta parole, ben faudra la tenir. Nous on ne joue pas un rôle, je viendrai comme je suis. Moi ce que je dis, je l'ai fait, vise la tour Eiffel. Pas besoin de courte échelle, selon à tel sommet. Dans mon délire, personne va me raisonner. De toute façon, je vais rien dire, viens pas me questionner. Je suis pas t'es caché, plutôt un de ses collègues. Faire face aux coups qui j'ai histoire inventée. Même si je te donne mon cœur, y'a que ma veille en qui je peux me confier. Plus vrai que tous tes rappeurs, je suis pas cinéphile, j'ai que ma vie racontée. Dans la rue, tu fais ton plein, tu crois qu'elle veut ton bien. Bonne période de dire gros gain, la route on tourne par sans rien. Dans la cour des grands, on te juge à la longueur de tes dents. En vrai, on s'en branle, je me fie jamais au regard des gens. La vie t'a fait des dégâts, dans des bails pas très légales. T'es bien tant que le dé départ, jusqu'à que les cons dépassent. Un jour faudra tourner la page. Un jour faudra tourner la page avant que le livre s'embrase. La vie t'a fait des dégâts, dans des bails pas très légales. T'es bien tant que le dé départ, jusqu'à que les cons dépassent. Un jour faudra tourner la page. Un jour faudra tourner la page avant que le livre s'embrase. Si tu donnes ta parole, ben faudra la tenir. Nous on ne joue pas un rôle, je viendrai comme je suis. Moi ce que je dis, je l'ai fait, vise la tour Eiffel. Pas besoin de courte échelle, selon atteint le sommet. Tu donnes ta parole, ben faudra la tenir. Nous on ne joue pas un rôle, je viendrai comme je suis. Moi ce que je dis, je l'ai fait, vise la tour Eiffel. Pas besoin de courte échelle, selon atteint le sommet. Man, this shit is so real, man, for real. People said I'm not realistic, that's why I climb up for real. Your ambition is nothing next to mine. I love champagne and good wine. I do it all by my own. When I miss, I take the rebound. Everything about me off and wrong. No, I never got money from mom. Working all day to get payday. And I never sent a mayday. I knew the bottom like Drake. I will know bottoms like Drake. Check it for my dues next to a swimming pool full of gray. Go up, that's on me. I'm real like B.I.G. Work for money, that's on me. All this shit's on me for real. My enemies will say fake, and my ex-bitches will hate. Thanks y'all for promoting, but I did all without help. Bitch. Tu veux nous freiner, nigga, try again. J'vais te le répéter, j'suis pas dans le game. Salement, fais les bails calmement. Gueule dans, j'ai mauvais garnement. Dans mes rêves, y'a beaucoup d'argent. Bouteille de champ, des berlines allemandes, yeah. Tu veux nous freiner, nigga, try again. J'vais te le répéter, j'suis pas dans le game. Salement, fais les bails calmement. Gueule dans, j'ai mauvais garnement. Dans mes rêves, y'a beaucoup d'argent. Bouteille de champ, des berlines allemandes, j'suis pas dans le game. Carton rouge. Toujours bordélique, négro quand on bouge. Vas-y, pote, on touche. On opère dans tout. Tous les jours en sous-marin, j'ai mon repère dans le doux. Y'a plus de game, j'ai graillé le ballon. Y'a plus de règles, faut avoir le bras long. Allez, fais ce talon, les MC s'échauffe. J'gâche mon talent, mais si à ce show. Oh, pourquoi je les prends de haut? Oh, ce n'est qu'une petite remise à niveau. Amigo, les balles fusent. Amigo, dites-moi qui peut me stopper. Ne me mélange pas, s'il te plaît. Je viens d'une autre planète, trop noir. Ils m'ont tous dit, Younes, fuck-les. Laisse-moi dans mon délire, négro. Chibron d'or pour faire jouir, négro. Je viens, je rappe, je me tire, négro. Pour le meilleur, pour le pire, Lego. Mogo, Fogo, Frodo, Boomso, Machine, Willy, Webson, Togo. Les gars, Lego, putain de sono. Ça va, se finir en progo. J'suis le sauveur comme Ribéry. J'ai le cœur froid, Sibéry. Fuck all night, merci baby. Font du rap moche, tarfa babi. Ok, il ne faut pas être choqué. J'suis pas dans le game, me demande pas poké. Ok, dans le passé, ils sont bloqués. Pour un gros boule, j'ai tendance à bloquer. Tu veux nous freiner, nigga, try again. J'vais te le répéter, j'suis pas dans le game. Salement, fais les bails calmement. Gueule dans, j'ai mauvais garnement. Dans mes rêves, y'a beaucoup d'argent. Bouteille de champ, des berlines allemandes, yeah. Tu veux nous freiner, nigga, try again. D'argent, bouteille de champ, berline allemand. J'prends le micro, poto, j'suis pas dans le game. Soif de réussite, je bois la bouteille. Rien à foutre du hit, tout passer à l'antenne. J'arrive en équipe et j'retourne le bordel. J'ai mis de la weed dans la chicha. Trop de bouteilles sur la vieta. Mélange le sky et le coca. J'monte d'un palier comme Sang Gohan. Manipulé comme des pantins. Les rappeurs parlent de tout ce qu'on n'a pas. Il suffit d'une parole de travers. Les petits du checks vont se faire ton appart. Pas de gangsters, pas de grandes fêtes. Y'aura personne à ton enterrement. Ils veulent me faire taire, ils ont le seum frère. Gros j'ai un concert, tourne à l'entraînement. J'prends le microphone, c'est pour les mecs d'en bas. On fait les bails et on remballe. Dans le studio j'prépare un attentat. J'suis toujours là, on ne m'attend pas. Ça fait clic, boum en pleine tête. Ils prennent tous pour des gangsters. Oui t'as volé un carambar. Moi j't'ai volé la vedette, yeah. Tu veux nous freiner, nigga, try again. Je vais te le répéter, je suis pas dans le game. Salement, fais les bails calmement. Gueule, non, j'ai mauvais garnement. Dans mes rêves, y'a beaucoup d'argent. Bouteille de champ, des berlines allemandes, yeah. Tu veux nous freiner, nigga, try again. Radio, radio. La 25ème, tous les jeudis. Ouais, ouais. Ciao. T'es au 2S. Minuit. Radio Sud. On est en ligne. Yeah. Ok, les gars. Grand big up à LJDRK qui était avec nous juste avant dans l'émission spéciale. Ça fait plaisir, c'était leur première émission. Donc big up, on sait ce que c'est, les premières des premières. Super lourd, les petits frères sont motivés, voilà. Ils font le job. Yes, donc là on est avec Jojo, la grosse voix, la chronique Coucou. De Jojo. Coucou tout le monde. Comment ça va? Big up les auditeurs, big up tout le monde ce soir présent. Yes, est-ce que le live Instagram est enclenché, monsieur frère Gras? Ok, donc pour tous les auditeurs là qui sont directement connectés avec nous. Ils sont en train d'auditer. On a mis... débat. On a mis un petit débat là en fin d'émission. Donc c'est Jojo qui va animer ce débat. Il est en live sur Instagram. Jojo. Donc ça veut dire que si vous voulez réagir en live à ce qu'on dit, poser des questions, etc. C'est le moment de se connecter et c'est le moment de débattre. Donc Jojo, bon, de base, t'avais 15 minutes, mais tu vois, il est déjà 23h35. On va partir sur le débat. On va partir dessus. Ce genre de débat. Voilà. C'est donc parfait. Ce soir, donc on est bien d'accord. Bon, ça fait un moment. Il y a des questions qui arrivent, qui tombent sur un certain groupe. Et ce soir, on va débattre sur ce groupe-là. C'est le groupe PNL. Est-ce que le live est déclenché? Le live est-il parti? Le live est bien parti. Le live est là, on est en direct, live. Avec deux téléphones? Non, on est en live sur mon bigot, okay. En direct de l'émission, la 25e. Donc ce soir, en termes de débat, c'est PNL, hein, je crois qu'on est d'accord, parce que de toute façon, en termes, sans parler de musique, c'est ce que en ce moment, c'est ce qui sort partout, tout le monde a des questions, tout le monde a des avis... Ça s'enchaîne sur les réseaux sociaux, chacun a ses idées, chacun voit les choses comme il veut. Moi, ce soir, j'ai simplement des chiffres, parce qu'après quand même 5 jours de sortie donc, sur leur album Deux Frères, qui est quand même sorti il y a 5 jours, à une semaine maximum. 7. On en est quand même à 80 000, c'est-à-dire à 74 223 en cumulé. Et ça a bougé encore, vu que c'est des chiffres qui datent d'il y a 5-6 heures. Non, attends, ils sont platines, déjà. Ils sont platines. C'est donc ils ont validé platine entre-temps, ça montait, ça ouais. montait, donc ils ont validé platine. Mais le truc, bon, moi personnellement, en termes de chiffres que j'ai à retenir, c'est quand même qu'on va prendre qu'il y a eu une moyenne de 50 000 CD en physique en 2019. Donc, chacun, sans parler de musique, en termes de business, voilà, personnellement, je dirais par rapport juste à ça, 50 000 en physique en 2019, elle est quand même belle. Qui te dit qu'ils n'ont pas envoyé une grosse communauté acheter c'est ça? C'est possible, tout est possible derrière. Tout est possible derrière, tu peux envoyer des équipes, acheter des CD. Comme ah, mais là, tu faut peux... une sacrée équipe. Hein, ouais, mais bon, c'est après, arrivé, c'est... Mais je pense quand même que... Ouais, je sais pas, je pense qu'ils ont bloqué leur... Moi, perso, je pense qu'ils ont bloqué, ils ont bien ciblé leur écoute. Et puis voilà, quoi, au niveau... Après, au niveau comme derrière, ils ont fait le travail. Mais ce n'est pas la question ce soir, car ce soir, je n'ai pas d'avis. Tu n'as pas d'avis. Ce soir, je n'ai pas vraiment d'avis. Ce soir, je présente, je suis là. Et le débat est ouvert et chaque personne présente autour de cette table, ainsi que sur Insta, peuvent réagir, peuvent poser des questions. Il n'y a aucun souci. Que pensez-vous de l'ascension du groupe PNL? Moi, j'ai un petit avis. Parce que j'ai lu un truc du Parisien, PNL pour les dealers. Dépressif. La musique pour les dealers dépressifs. Ouais, le Parisien, quoi. Non, mais oui. Ouais. Non, un média qui est loin du. Qui est loin à... Ouais, non, mais tout à l'heure, ouais, j'ai vu ça aussi. J'ai vu ça traîner sur. Ouais, j'ai vu, tu sais, comme un bout de caca sur un bout de. Voilà, quoi, tu c'est vois. C'est ça, c'est ça. J'ai vu ça traîner sur un bout de trottoir. Donc, personne ne l'avait ramassé. Bon. Après, moi, beaucoup de gens l'ont vu. Vu que toi, tu parles de chiffres, moi, je me dis que ce genre de public, les dealers dépressifs, c'est pas eux qui achètent, en général. On connaît. C'est très bien. Le. Pour moi, le public qui a été visé, c'est un public vraiment large. Pas forcément un public de banlieue, mais un public vraiment, voilà, aussi dans une certaine jeunesse, à mon avis. Mais le public qu'achète, c'est le public de Nekfeu, enfin, entre guillemets, PNL Nekfeu, c'est, pour moi, c'est pas le même public. Tu ouais, vois moi aussi, hein, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est encore des publics différents. C'est, ouais, Dino. Moi, je pense que tout le monde achète PNL. Ouais, moi aussi. Quand je dis tout le monde, ouais. Je parle pas toutes les personnes, mais il y a de toutes les tranches d'âge. De tous les types d'environnement, des mecs de Thèse, des mecs de la ville, des bobos parisiens. Je pense tout. Aussi, ouais. Parce que quand t'arrives au stade où ils sont arrivés, le week-end dernier sur Spotify, ils étaient dans le top 20 des écoutes internationales. Mondial, ouais, j'ai vu ça. Premier groupe ou premier artiste français, pas rap, français, à rentrer dans ce top 20. C'est-à-dire que là, ça dépasse le rap. Non, mais ils sont arrivés, en plus, ils sont arrivés avec un bail. En termes de bail à l'intérieur de lui, c'est dire, ouais, déjà, tu bloques un live 24 heures et t'as des mecs qui, t'as des bouts qui restent, t'as au moins, je sais pas, ouais, il y avait 100 000 personnes qui restent pendant 24 heures bloquées sur un bail. Moi, je me suis connecté parce que je croyais que c'était un peu cli, tu vois. Je vois la notification sur mon téléphone, tout, je me connecte, 3 heures de l'après-midi, SB. 54 000 personnes en live. Alors que le Queutru, il est arrivé 16 heures après. 16 heures avant, il y avait encore 54 000 personnes en live qui regardaient une planète. Donc voilà, tu vois, ça veut dire quand même qu'ils ont géré une image, un dièse qui a fait quand même que, tu vois, même sans parler de musique, mais est-ce que la musique, c'est du marketing? Après, après moi... La musique, c'est devenu une industrie, donc le but, c'est de bicrap tes CD. Mais est-ce que t'écoutes en fait la musique, tu l'écoutes avec le marketing ou avec tes oreilles? Non. Parce que en gros, c'est bien ce qu'ils ont fait pour ramener le buzz jusqu'à la sortie du truc, mais à fin... Moi je trouve que en fait ce groupe là c'est pas un groupe que je suis de ouf personnellement. Il y a quelques sons que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime beaucoup moins. Mais il y a un truc que je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire, que peu de rappeurs ont réussi à faire ces dernières années, c'est-à-dire que je trouve que leur univers musical et leur univers, on va dire, virtuel, tout ce qui est clip, tout ce qui est promo, ça se fond, mais d'une manière incroyable. Genre, le clip, il va avec la musique. Ça part quelque part, à part, c'est même pas du rap, en fait. PNL, c'est juste un univers, quoi. C'est un univers, quand tu l'as dit. Quand t'écoutes le fond, quand bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu baves, bro? Mais moi, ce que je me suis dit... Le mec qui dit, ouais, non, les rap, non, vraiment, je pense que c'est pas du rap, ils sont plus dans la cloud, le chill... ce genre d'ambiance-là. Donc. Et ouais, donc c'est un truc différent, c'est tout. Mais dans leur truc différent dans lequel ils sont, apparemment, ils gèrent bien leur truc, quoi. Donc, tu vois, à partir d'aujourd'hui, comme on dit, Gims, il fait plus de rap, Black M, il fait plus de rap, PNL, il fait pas du rap. Mais ils ont jamais fait du rap. Pour moi, c'est ouais. pas. Non, tu vois, ils sont dans un délire différent une personne, au niveau des prods. Une personne qui va dire que ces gens-là font du rap, c'est une personne qui connaît rien au rap. Okay. Pourquoi ? Parce que les gens en France, c'est nous en France, on a fait la connerie d'appeler ça rap. Mmh. Parce qu'on avait tellement de retard sur les States qu'on a appelé ça rap. Mais au final, le mouvement, il s'appelle pas rap. Le mouvement, c'est le hip-hop. Ouais. Et à l'intérieur du hip-hop, t'as un courant qui s'appelle rap. Qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils font là. C'est ça. Par exemple, la comédie, c'est du rap cloud. Ouais, cloud rap. C'est juste un cloud loud. C'est un courant du hip-hop au même titre que le rap, mais qui n'ont rien à voir. C'est des mouvements du hip-hop. Pour moi, PNL, c'est des artistes de studio. Tu vois ce que je veux dire ? Ils peuvent pas, sans un gros ingé, sans un gros taf derrière, c'est de la merde. Après, c'est de la machine. C'est ça. C'est comment ils vont se rattraper sur scène, eux. C'est comment ils se rattrapent sur scène. Maintenant, tu peux avoir de l'autotune avec les micros. Ouais, mais c'est même pas là-dessus. En fait, eux, ils sont trop malins parce qu'ils vont arriver sur scène, ils savent qu'ils vont pas performer. C'est pas ouf. Donc, ils jouent sur quoi ? Et bah, tu vois leur concert. Il y a des méga effets, des trucs qui attirent l'œil. C'est de la poudre. Mais voilà. Ça détourne l'attention, comme ça, tu te concentres moins sur l'aspect technique. À l'époque, il y avait une vidéo qui tournait d'Ademo qui chantait. Aux Eurocaines. Mais Ademo, il rappait. Après, il faut dire aussi, en fait, le truc, c'est qu'à la base, quand même. On a un appel. On a un appel. Je ne savais pas qu'on pouvait appeler, mais. On a un appel en direct pour débattre. C'est Ademo. Allô, bande de fils de pute. En direct, sans appel. C'était un appel sans appel. Parce qu'Ademo, il rappait. Hein. C'est un appel cagoulé. Ademo, c'est un mec qui rappe à la base, il y a 10 ans. Comme je te dis, Black M, c'est un mec qui rappe à la base. Mais aujourd'hui, c'est un mec qui rappe à la base. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se fatiguer, en fait. Ils ont bien vu, tu vois. Ils cassent du platine en 5 jours. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je trouve que c'est ça qui est dommage. Après, si on avait un truc, tu me connais très bien. Je suis des amateurs de lyrics fournis, de travail c'est machin, ça, mais regarde, bon. On, c'est ça qui est dommage. Des mecs comme Alpha One ou des mecs comme Josman qui ont sorti des. Ça y est, Alpha One, Josman. Ça y est, ils ont sorti des albums que tu peux écouter. Alphlorène. Et pas juste un état d'esprit, tu vois. Non, parce que PNL, c'est juste un état d'esprit. T'écoutes ça dans le noir, t'écoutes ça dans la voiture et ciao, tu vois. C'est dommage de C'est dommage pour ces gens-là qui n'ont pas eu de succès commercial, on va dire. En fait, après, ouais, c'est clair. Mais après, quand même, Alpha One, tout ça, ils ont une exposition. Tu vois, par exemple, il y a des frères comme Zikri. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont connaître Zikri. Zik, c'est un mec gros. T'écoutes un morceau, tu deviens ouf. Et pourtant, il n'a pas du tout d'exposition. Les meilleurs ne sont pas exposés. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que le Boug, il va te sortir des trucs, c'est de la folie. Et si tu veux, dans l'ombre. Mais pardon, mais revenons au débat. Le débat, c'était quoi ? C'était PNL, hein ? Ouais, de base. Ouais. Déjà, autour de la table, qui écoute ? Ça écoute ou ça écoute moi, pas j'ai PNL ? Écouté, moi, j'écoute. Moi, j'ai pas écouté le dernier. Hein, moi, j'ai écouté. J'ai écouté quelques sons, j'ai pas fait tout l'album, donc c'est pour ça que je parle pas trop au niveau musique. Il y a deux sons que j'ai bien aimés, et le reste, vas-y, franchement, j'ai préféré les albums d'avant, tu vois quoi. C'est pas ouf. Franchement, c'est pas sensationnel. Hein. C'est juste grosse promo. Il y a une grosse promo. La promo, elle est démentielle, en fait. C'est ça le truc, de constater que les mecs, ils ont fait une promo démentielle. Et en fait, c'est quand même... on peut noter que c'est la première fois en France, quand même, on va dire... Parce que les gens, ils vont dire « Ouais, non, Mylène Farmer l'a fait pareil en 87. » Enfin, bref, il faut comparer ce qui est comparable. Là, on est dans une mouvance, on va dire, de quand même art de rue, parce que ça reste un art de rue. Même si c'est pas, ils font pas du rap, c'est la rue quand même. C'est des mecs des Tarterets, donc c'est la rue. Donc c'est la première fois qu'il y a des mecs de rue quand même. Des mecs de la Corrèze. Qui se mettent au milieu du bordel pour aller. Hop. Des mecs de la Corrèze. Moi j'avoue que j'aime le son ou pas. Quand j'ai vu le haut de la Tour Eiffel bloquer tout ça, j'ai dit ah ouais quand même. Tu vois, c'était. C'est pas les petits clips que t'attends, c'est voilà un bon truc quand même. Ok. Je pense que ça apporte. Les mecs de la Corrèze. Ah oui, non, mais de base, ils ont. Bah, big up. Ils ont grandi à la Corrèze. Bah ouais, ils ont bougé des Tarterets pour aller à la Corrèze et après ils sont revenus aux Tarterets. Ouais, mais bon, leur père, c'est pas n'importe qui. Oui, donc c'est vrai que t'as le débat du daron, daron. J'ai écouté tout l'album. D'assaut, les frères. Mais bon, nous, c'est pas politique. J'ai écouté l'album de deux manières. De manière où je voulais un peu écouter lyricalement. Mais bon, ça, j'ai vite compris que j'avais rien à aller chercher en fait. Et quand t'écoutes un peu, ouais, rien que ça parle de leur daron, c'est bon, papa c'est un voyou, papa, c'est bon les frères, à un moment on a compris, une fois, deux fois, album d'avant, ça y est, on a compris, tu vois. Après j'ai écouté dans un mode un peu plus... Alpha One aussi se répète. Alpha One hein aussi. Hein. Oui, Alpha One aussi se répète, mais lyricalement je préfère écouter un Alpha One qu'un mais même PNL. Tu peux même pas, dans un débat de PNL, tu peux même pas caler le mot Alpha One. Mais c'est pas possible. Tu peux pas comparer. Incomparable. La comparaison que j'ai faite, c'est que j'ai dit que c'est dommage que des mecs aussi vides aient autant d'exposition que qu'Alpha One. Il y a un minimum de fond, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, mais PNL, en fait, c'est que de la fond. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais... Ils mettent des Uber gratuits à Paname. Non mais, à ce moment-là, si tu parles de fond, à ce moment-là, Gizmo, il doit être multidisque de platine. Oui, après c'est ce qu'on a dit, c'est pas les meilleurs qui sont le plus exposés. C'est le marketing. Mais non, ça c'est non. C'est du marketing. Non, attends. Ça, Uber c'est... gratuit, bus décapotable à l'équipe de France. Décapotable. Là, moi je pense c'est un. Non mais là c'est un point intéressant. Ça c'est les meilleurs selon toi, à tes critères à toi. Mais chacun ses critères. Moi, franchement, je te mens pas, je suis sur la même longueur d'onde que toi. Je les écoute pas de ouf. Genre, je suis ce qui se fait. Mais vas-y, moi aussi, je suis un peu. Dans le même délire que toi, il faut qu'il y ait un minimum de forme et faut que ça me parle. Mais maintenant, parce que je pense peut-être, c'est sans faire les anciens, parce que voilà, je pense que tous ceux qui sont nés génération 90, même voire plus ceux qui sont nés dans les 80 comme si, toi. Si, je fais l'ancien. Non mais, c'est vrai. Ceux qui sont nés dans les générations 90, voire plus pour ceux qui sont nés dans les générations 80. Pour les vieux. Comment tu dis, le texte, c'est important. Mais les générations d'aujourd'hui, ils s'en battent les couilles. Ouais, ça, j'avoue. Et les critères pour les générations de maintenant, eh ben, ils ont changé par rapport aux nôtres, voire ceux des encore plus anciens. C'est dommage. Hein. C'est ça que je trouve dommage. Tu vois, que c'est des, c'est... Après, la textuelle, elle s'est perdue de toute façon aujourd'hui parce que c'est pas pareil en fait. Y a pas de... Si tu veux, il y a des gens, ils vont écrire 18 mots puis ils vont rien dire. Puis il y a des gens, ils vont écrire 6 mots puis ils vont tout résumer en 6 mots parce qu'ils taffent l'image. Tu vois ce que je veux te dire. Et aujourd'hui, ça se perd. Mais après, par rapport à PNL, moi, c'est le business surtout. Ils ont fait un business de ouf. Ils ont fait un truc de ouf. Tant et si bien que les gens qui visent, de toute façon, ils ne sont pas dans la parole. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, voilà, c'est comme il disait Edinho, c'est pas, ça ne vise pas notre tranche d'âge, je pense. Tu vois, je pense que PNL, ça touche vraiment des jeunes qui vont vraiment se retrouver en eux. Parce que bon, ben, Babilis va faire un chiffre d'affaires conséquent et pas que chez les femmes. Mais je veux dire, voilà quoi. Il y a vraiment un truc qui se crée, il y a un truc qui s'est, un engouement qui s'est créé autour de ce groupe, sans même parler de ce qu'ils font, c'est voilà quoi. Demain, les gens vont te parler d'un truc, ils vont te dire quoi, ouais, ben c'est PNL. PNL, mais. Et je suis d'accord avec toi, je te rejoins à dire que c'est dommage, parce qu'on préfère la parole, le bien écrit, la propreté, le truc. Parce que si tu nous mets que du Médine aussi, on va te dire oh frère. Ouais, voilà exactement, tu vois, par exemple, ouais, calme-toi, tu vois. Calme-toi, moi aussi j'ai envie de chiller au bord d'une piscine calmement, tu vois, sans. Non mais voilà, mais je veux dire. Les gars. Toi, t'en penses quoi, toi, mon gros toi? Moi, personnellement, je vais peut-être passer pour un alien, mais. Non, tout le monde, c'est un débat justement. Si tout le monde est d'accord, ça va pas, frère. Dernière équipe, là, je l'ai même pas regardé. T'as pas Théma, ouais. Après, forcément. Je dis que c'est un effet. Je sais pas, je vois ça comme un effet de mode. Un peu, je vois ça comme un effet de mode et. C'est ça. Tu vois, genre, c'est ça là, peu, ils avaient pas sorti de, ils avaient pas sorti de son pendant combien de temps là? 2016, leur dernière. 2016, fin voilà. 2016. Non, si, dans la légende, fin 2016. Il t'a dit de son. De son, ils ont sorti 91 l'été dernier. Ouais, voilà, non, mais genre de projet. Dans la légende, en 2016. Voilà, 2016. Ben. Je voyais tous les gens les critiquer. Tu vois, leur dire, ouais, ça y est, ils sont finis, ouais, truc. Genre là, ils sont arrivés, tout le monde a oublié et tout le monde est revenu sur le truc, tu vois. C'est vrai, ils sont forts en communication, mais. Y a que ça. Voilà, tu vois. Ouais, c'est pas. Et puis ils ont un bon ingénieur du son aussi, tu vois, parce que l'ingénieur du son, il fait un job, c'est violent quand même. Ouais, parce que si tu écoutes la qualité, même en termes de musique, peu importe laquelle que tu peux prendre, t'écoutes la qualité de mix, comment le boog, il t'a mixé chaque bordel à l'intérieur, ça t'envoie en atmosphérique quand t'as des enceintes de ouf. C'est ouf. Je comprends qu'il y a des gens, frère, c'est presque des trucs de relaxation, tu sais, quand t'entends des bruits d'oiseaux ou le bord de la mer, et c'est là tu t'arrêtes. Donc, ils sont bien entourés. Ma question, du coup, est-ce que n'importe qui là d'entre nous, même n'importe qui là qu'on chope, enfin avec un minimum de rythme, on peut faire ça en fait? Exactement. Ah oui, mais après, si t'as l'ingé, c'est bon. Mais avec une machine et puis un bon ingé son, tout le monde fait ça, frère. Donc, c'est pas compliqué. T'avais parlé tout à l'heure de l'autotune qui a été coupé, tu vois, sur scène. Ouais, ouais. C'est vraiment ça, tu vois. De toute façon, je vais privatiser le bowling. On va pas blaguer, gros. On va faire un gros truc, bowling et le centre culturel. Donc, ah ouais, gros, bah, non, non, ça va pas blaguer. Non, donc en gros, ouais, là, là, du PNL, tout le monde, avec l'ingé qui te faut, tout le monde peut faire. Ouais, après que ça valide ou pas, de toute façon. D'accord. Chao, t'en penses quoi, toi? Parce que depuis tout à l'heure, t'as pas trop donné de. Non, non, personne. Ouais, moi, j'écoutais. Moi, j'écoutais et puis je me suis souvenu d'une image qu'on m'a envoyée. Tu sais, trois jeunes du Tchex qui sont en bas. Ils sont sur Vette Lacoste, dégradés. Et puis, 10 ans, 20 ans plus tard, c'est trois jeunes du Tchex en survêt avec des cheveux longs, tout ça. Puis moi, je voulais plus parler de l'image, entre guillemets. Ouais, j'ai vu cette image. Tu vois, un peu... Du rebeu fragile. Bah, c'est pas rebeu fragile, c'est rebeu à cheveux longs, tu vois. Il y a des rebeux à cheveux longs, ils sont pas fragiles du tout, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est... Ah, frère, est-ce que tu tires par les cheveux. Est-ce que, tu vois, entre guillemets, PNL, dans l'image, tu vois, ils ont peut-être décomplexé... Une mode, un style, ouais, ouais. Tu vois, ouais, ouais. Un délire où tu peux être un rebeu, avoir des cheveux gominés... Tu peux là j'ai vu là la tresse là dans les cheveux, ouais, tu vois ce que je veux dire, la tresse dans les veuches, les jeans troués, tout ça, tu vois. Moi c'est plus dans l'image. En fait là je parle même pas de musique, tu vois, je parle même pas musicalement. Ouais, vraiment d'entertainment, on est vraiment dans le business, dans l'image, parce que la com. Je pense que en vrai même au niveau des saps et tout ça, c'est pas choisi n'importe comment, tu vois. Non, c'est du placement de produit. Il y a du placement, il y a de l'image, il y a minimum 30 personnes derrière ce bordel-là, tu t'as vois. T'as vu, Jojo? Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour les lunettes, t'as pas vu ou pas? Non. Le site qui vend les lunettes, qui leur a fait les lunettes pour le clip, ils ont fait quoi? Ils ont fait une offre. Si t'achètes la paire de lunettes que NOS il a dans le clip, on t'offre celle d'Ademo avec. Si t'achètes celle d'Ademo, on t'offre celle d'NOS avec. C'était ouf, mon frère. Parce qu'il paraît même le blouson qu'il portait, là, la queue marche, je sais pas quoi, elle a été dupliquée. Genre 15 heures après, elle était disponible au marché noir en duplication, tout ça. 15 heures après le puckly. Ouais. Mais au moins, c'est bien, ça crée de l'organisation, ça crée du. C'est de la fraternité. Non, mais même musicalement. Tout le monde peut le faire, ce que Jounes a dit, et je suis d'accord et je suis pas d'accord à la fois. Mais bon, ils l'ont fait. C'est-à-dire... Tu vois ce que je veux dire, tout le monde, mais eux, ils l'ont fait, nique sa race. Une fois que le truc il est sorti, tu peux te dire oui, on va choper un ingé son qui est compétent, on va choper un studio, on va faire la même chose qu'eux. Mais avoir l'idée faire ouais, investir. Et le faire de la manière dont laquelle ils font, parce qu'en vrai, de vrai, au niveau des textes, c'est faible. Personne dira le contraire, c'est faible. Mais il y a un truc où ils sont très forts et les gens ils négligent ça, c'est que je trouve que le rap il a beaucoup changé dans les dernières années, dans le sens où tout ce qui est bac, piste d'ambiance a pris de l'importance par rapport au texte. Et là-dedans ils sont très très très très forts. Mais après ils sont partis ailleurs, même au niveau des prods, parce que c'est vrai que quand t'écoutes les prods, ouais, c'est une direction qui n'a rien à voir avec le rap. Les prods. Et ça, moi ça ne me pose pas de problème, les prods elles ne me posent aucun problème. Moi, il n'y a pas, je pense, j'ai pas tout écouté du nouvel album, mais pour ce qui est de prod, sur 3-4 prod, personnellement, je les kick toutes, quoi, sans complexer ou quoi que ce soit. Ok, donc quoi. On va passer dans la session freestyle avec Rizzo, j'ai pris les prods. Taille beat PNL. Taille beat PNL. Non, mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de... non, c'est bien, c'est une autre mouvance. Après, eux, au niveau des textes, ils posent des trucs, si on parle du son. Mais moi, voilà, c'était vraiment gestion de ce qu'était le business, parce que bon, ça fait tout un bordel depuis une semaine. Donc, c'était un petit débat, une ouverture, parce qu'en termes de business, ils ont fait quand même quelque chose qui s'est pas tout le temps vu en France, on va dire. Voilà. Et je pense que, indirectement, même si au niveau musical, ça n'a pas apporté grand-chose, mais ça va peut-être un peu réveiller les gens. Parce que déjà à l'époque ils sont venus, ils ont clippé dans des endroits où il y en a toujours dans le rap, ils ont milité, mais à aucun moment ils ont pensé à aller clipper là-bas. Voilà par exemple, alors qu'eux ils y sont allés, et après ils sont allés là, et là maintenant ils ont remis au niveau de l'image, au niveau du clip en lui-même et puis du truc, ils sont bien entourés, il y a de la bonne, je pense qu'il y a de la bonne gamberge. Ils ont fait trop de choses. Voilà, je pense qu'ils apportent quand même quelque chose. Tu regardes par exemple, tu parlais des Peuclis. Les mecs, ils sont allés clipper à la Scampia. Voilà, mais je veux dire... Un an après, SCH, il va clipper à la Scampia. Ils sont allés clipper en Afrique. Ils sont allés clipper devant l'arbre. Frère. Tu vois les... T'as des rappeurs, ils ont toujours milité. Pourtant, ils étaient jamais là-bas, tu vois. Les rappeurs français, ils se lient beaucoup aux Italiens ces derniers temps. Mais les premiers à avoir fait un pas vers l'Italie, c'est eux, au final, quand ils sont allés à la Scampia. Ah non, mais bien sûr. Après, voilà. Non, mais en fait, voilà. Donc, j'ai une question, moi. Ouais. Est-ce qu'en fait PNL il pourrait pas faire du rap muet? Parce que vu que c'est beaucoup de l'image, tu vois, ils font juste des clips, de la promo, mais sans musique. Mais est-ce que tu marcher le délire avec des signes? Non, mais c'est pour de vrai. Vu que... Tu peux pas te révolutionner avec les points langage des signes. Non, mais on leur met juste l'instru, puis ils font des signes, et puis ils font une grosse pro. Ça pourrait marcher le délire, parce qu'on n'écoute pas leurs paroles au final. Non, ils font des refrains entraînants. Genre leur fanbase, ils aiment bien, tu vois, genre s'attarder sur des phrases que nous, on va même pas calculer, tu vois. C'est genre... Pour eux, c'est des grosses punchlines, en fait, tu vois. Vas-y. Bon, je te dis en termes de. Un album mais... que de refrains, tu vois. Ah, au pire. C'est voilà, c'est le business en fait. Ils ont fait un entertainment à l'américaine parce que c'est un petit peu un truc à l'américaine en fait quand tu regardes bien. Parce que si tu prends les gros salaires des rappeurs américains, tout ça, ce qu'ils ont fait, c'est un petit peu un bail à l'américaine en fait. Ça n'a rien d'extraordinaire. S'ils avaient fait ça à Houston ou Chicago ou New York, ça n'aurait pas été extraordinaire. Tu vois ce que je veux te dire? Mais là, en France, pour le coup, ils ont marqué le coup. Et voilà, et leur fanbase, voilà, on sait c'est qui, c'est les tipeux. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que eux, ils ont. Moi, comme je dis souvent, là, ils se tapent tous pour un game. Alors, ils sont tous là à faire ouais, c'est qui le plus fort, c'est qui le truc pour un trône qui sent le caca. Mais la guerre, ça fait pas d'oseille. Alors qu'eux, ils sont là, à la rigueur, ils passent derrière le truc, ils font leur oseille, quoi. Parce que l'objectif premier, c'est quand même de faire de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Et puis. C'est respectable. Leur truc du game, là, leur connerie du game, tout ça, en attendant, ils sont tous là dans le game pour un trône. Le trône, on n'en voudrait même et pas. Eux, ils l'ont jamais revendiqué. Ils l'ont jamais revendiqué. Mais ils s'en foutent. Ils s'en battent les couilles. Hein. Quand tu fais vraiment de l'argent, quand tu fais vraiment de l'argent, tu fais pas la bagarre. Tu fais de l'argent. Je t'assure que quand tu rentres beaucoup d'argent, tu penses pas faire la bagarre. Sauf si y a Octogone sans règle. Mais bien sûr, s'il y a des problèmes, on va te frapper. S'il y a Octogone sans règle, 1 million. Mais justement, là, tu vois, ça me fait penser à une discussion que j'avais vue, il y a quelques temps avec Schneo. Tu vois. Donc Schneo, mon confrère du 2-5 Bunker, un gros big up. Du Mekong Soul. Bisous à la famille, donc, au Cambodge. Lui, il est au canal, tu vois, dans le 91. Ouais, ouais. Il est à Évry-Courcouronnes. À côté, c'est les Tarterets. À côté, il y a Chantier du Coq. Et tu vois, il me disait, mais en fait, il n'y a que des 10 de platine, tu vois. Ah bah à côté c'est... de chez moi, il n'y a que des 10 de platine. Que du talent, frère. C'est vrai que c'est quand même... Et en fait, quand tu regardes, même Eddie, tu vois, ici, on en a déjà parlé. On va là-bas, on va parler avec des bougs. Peut-être c'est le manager de Intel ou Intel, voilà, tu tout vois. À fait. Mais en fait, les gars, ils ont des stratégies. Mon gars, mais... C'est carré de ouf, tu vois. C'est prêt à aller dans le mille. Donc je me dis, rien que des gars comme à l'époque, on était allé sur un tournage de Nino et Yaro, tu vois, avant c'était Sirsaï, tu vois. Rien que là, j'avais déjà vu déjà comment les gens ils étaient. C'était un truc parce que, en fait, si tu veux, t'as tout le temps des équipes, c'est des équipes, les gens ils travaillent en équipe, et chacun a son truc et c'est carré, les boucles ils sont carrés. C'est vrai que j'ai déjà aussi assisté à des gros tournages de trucs et je vois que. En fait, c'est vraiment une entreprise. Ouais. C'est une entreprise. C'est tout le monde a son taf. T'en as qui maquille, t'en as qui s'occupe de là, t'en as qui s'occupe de la scène, comment elle va être, quelle lumière, comment t'arrives, comment c'est, ouais, c'est ce travail-là. C'est vraiment ce travail-là en équipe qui fait. Ils ont tous des liens entre eux. Bah ouais, justement. Ils ont tous des liens entre eux. Tu vois, par exemple, les gens, ils le savent peut-être pas forcément, mais Kobalade, en soi, comment il a percé ce gars-là? En vrai, c'est une chaîne. Je pose bien la question. Non, mais c'est une chaîne. Mais je vais te le dire, c'est une chaîne. Niska, il pète. Ouais, Niska, il pète. Son meilleur pote, avec qui il avait un groupe quand il était plus jeune, qui rappe lui-même aussi, tu pourras vérifier, il s'appelle Skaudi. Skaudi, son petit cousin, c'est qui? Codez de la mafia spartiate. La mafia spartiate, elle arrive sur la chaîne de Niska. Le petit frère de Codez de la mafia spartiate, c'est qui? Un petit s'appelle Shotas. Tu regarderas, il fait du rap sur YouTube. Ah, j'ai vu. Son groupe, c'est qui? Seven Banks, il y a Kobalade dedans. Ouais, parce que une fois que t'as Niska qui a percé, ils se connaissent tous. Ça... Domino, Bowling Strike. Ouais, voilà, ça happ tout autour. C'est comme à l'époque où Caris il a pété. Mais c'est pas forcément la qualité. Caris... Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est mais... Niska surtout. C'est non, Niska il a fait ce le que, truc. Ce que je veux dire. Les petits ils sont mis en. Ce que je veux dire là dedans. Ce que je veux dire là dedans, c'est que t'as plein d'endroits où en fait on le sait même pas, mais il y a beaucoup de talent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et il faut juste qu'il y ait une. D'affiche, une gondole, quelqu'un qui perce, qui pète, et là t'as tout le monde qui suit. Comme ça a toujours été en fait. Tu vois, regardes à l'époque, Caris, en fait. Quand il était arrivé, il avait dit quoi? Il avait dit avant dans le 9-3, ça se passait sur Aulnay. Sevran, personne savait qu'il y avait des gens qui rappaient, à part peut-être Chao, il connaît un chenau, il s'appelait Bolo. Bolo, allez, Bolo, voilà. Bolo super lourd, poto Bolo. Tu vois, Bolo malade. Mais en vrai, il disait à Sevran, personne n'était connu. Le mec, il perce, il a dit quoi?